daily beats, we do it better. Ah, ah, deux hommes, un Glock, six mecs à terre, embrassant, restant locataire. Trois heures d'avion propriétaire, pour un feat, t'as pas les critères. Contacte ma secrétaire, ils parlent de boîte, mort pour être dans des boîtes, y'a que les putes qu'ils épatent. Vendeur de youf, salope du rap, ça rend plus fort ou ça nous tuera. Business rentable, business durable, algérien des montagnes de dur du rap. Garde la moula pour nous, donne l'asthme aux ennemis. Minuit, tu menaces me, à ennemi, Charles Z1000. All eyes on me. Monsieur juré de leur faire regretter leurs paroles. Mais j'ai qu'une parole. Ce qui me donne la force, c'est la haine du daron. Le sourire de la daronne. Je me rappelle, ils riaient. Maintenant, je les fais crier. Ils sont peut-être dans la foule. J'ai rien oublié, fils d'ouvrier. Laissez croire qu'on est fou, on est juste pas comme eux. Je me pose pas de questions quand je vois mon ami Kanté. Ils parlent tous de peu très peu, prennent la route vers Amsterdam. Envoie message sur le bleu pour t'alimenter. All eyes on me, crampe au doigt, y'a plus de 100 000. On a crossé la fermée, elle va plus relever. All eyes on me, crampe au doigt, y'a plus de 100 000. On a crossé la fermée. All eyes on me. Doctor, y'a ta visite. C'est nous déguisés en fil, si ouais. Celui qui parle, on lui baisse sa mère. Je suis calibré, moi je porte pas d'alter. Tous les jours, on la coupe, on la vend, tu reviens. Tout pour la mif, tout pour les miens. Tout pour l'unifi, c'est lui qui tout, ça fera boum. Y'a quelques grands chez moi que j'aime bien. Je sais qu'ils me veulent pas de mal, enfin je crois. Jusqu'à ce que je dégaine le RS3. À part loulou, maman, il me reste quoi. Je suis mauvais, tu m'en veux, tu m'envies. Fin toi. MJ ton bolide, il va trop vite. Chez nous le whisky tu bois que les gorilles. J'ai moi ce lien, fuck la police. Ils ont voulu péter Charlie dans son lit. Mais allez bien leur dire que c'était raté. À la fissure le renté, ils arrivent à pied. Laissez croire qu'on est fou, on est juste pas comme eux. Je me pose pas de questions quand je vois mon ami Ganté. Ils parlent tous de peu très peu, prennent la route vers Amsterdam. Envoie message sur le bleu pour t'alimenter. Crampe au doigt, y'a plus de 100 000. On a crossé la fermée, elle va plus relever. All eyes on me. Crampe au doigt, y'a plus de 100 000. On a crossé la fermée. All eyes on me. Laissez croire qu'on est fou, on est juste pas comme eux. Ils parlent tous de peu très peu, prennent la route vers Amsterdam. All eyes on me. Crampe au doigt, y'a plus de 100 000. On a crossé la fermée, elle va plus relever. All eyes on me. Crampe au doigt, y'a plus de 100 000. On a crossé la fermée. All eyes.